Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, voyage en nanotologie, pays de la science et de l'ignorance, une série de Franck Cuvelier réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a la stupéfaction, toujours renouvelée, que parfois on nous ment, qu'on nous en fume, sur les dangers de la cigarette, les effets des néonicotinoïdes ou les tests effectués sur les moteurs diesel. Et qu'heureusement, souvent il y a quelqu'un, d'un peu trop seul au départ, qui le fait savoir et n'oublie pas ce que peut produire l'appât du gain. Et puis il y a la religion de la science, ou au contraire, ceux qui voient des mensonges et des complots partout, et qui eux aussi sèment le doute. Et puis parfois, il y a qu'on oublie, ou pire, qu'on préfère ne pas savoir, comme l'autruche qui dort en chacun de nous. Mais pour commencer, il y aura toujours des industriels sans vergogne. Alors pour commencer, les personnages. Un communicant génial, des chercheurs qui cherchent des crédits, des scientifiques aux ordres, des chercheurs politisés, des industriels prêts à tout, un pneumologue et ex-fumeur, une femme intoxiquée, un journaliste opiniâtre, des gynécologues confiants et des sociologues des sciences. Ensuite, le décor. Une conspiration, des kilomètres d'archives, de la technophilie, des pubs, des écrans de fumée, un paquet de gitanes, le foutage de gueule de l'offre et de la demande, le distilbène, des revues scientifiques palues, le prétexte de la peur panique et l'oubli. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive dans les années 50. Quand les industriels nous enfument, Franck Cuvelier, Rafik Zénine. A responsible consulting organization reports this study by a competent medical specialist and his staff on the effects of smoking Chesterfields. A group of people smoked only Chesterfields for 6 months. After a thorough examination of every member of the group, the medical specialist stated, "It is my opinion that the ears, nose, throat, and accessory organs of all participating subjects examined by me were not adversely affected in the 6 months period by smoking the cigarettes provided. Remember this report, and buy Chesterfields. Regular or king size. Premium quality Chesterfields. Much milder." En tant que spécialiste, je déclare que les oreilles, le nez, la gorge et les organes concernés de tous les sujets ayant participé à cette étude, et que j'ai examiné personnellement, ne présentent aucun dommage après avoir fumé pendant 6 mois les cigarettes fournies. Souvenez-vous de ce rapport médical et achetez des Chesterfield. Fallait-il avoir de l'aplomb pour lancer une telle publicité en Amérique au début des années 50? Car les industriels du tabac qui ont produit ce commercial ne le savaient pas encore, mais étaient en train de perdre une terrible bataille, la bataille de l'ignorance. Mais n'allons pas trop vite. Jamais autant que depuis ces années 50 à aujourd'hui, les connaissances scientifiques n'ont semblé aussi vastes, multiples, disponibles. Et pourtant nous, nos gouvernants, nos agences de santé, de l'environnement, de l'alimentation, du climat, semblons parfois paralysés pour prendre des décisions qui s'imposent. Comme s'il y avait un voile d'ignorance qui cachait à tous ceux qui devaient décider de quelque chose le savoir scientifique à leur disposition. Alors, des philosophes, des biologistes, des sociologues, des psychologues, des mathématiciens, des historiens, des chercheurs en sciences cognitives et même des astrophysiciens se sont demandé pourquoi. Comment, à une époque où les publications scientifiques pullulent, l'ignorance résiste-t-elle encore? Ces chercheuses et chercheurs se reconnaissent dans un champ d'études qu'on nomme agnotologie, la science de l'ignorance. Nous sommes donc allés voir ces agnotologues pour comprendre comment fonctionne cette petite fabrique de l'ignorance. Éteignez vos cigarettes, tout commence à New York en 1953. Ce qui se passe en 1953, c'est que Stéphane Foucard paraissent dans divers journaux et magazines les résultats de certaines études menées sur les rongeurs et qui tentent à montrer que les goudrons qui sont présents dans la cigarette qu'on commercialise à cette époque-là, mais c'est toujours valable aujourd'hui, bien sûr, sont cancérogènes. Et en 1953, une demi-douzaine de grands capitaines d'industrie, de l'industrie cigarière américaine, se retrouvent dans un hôtel à New York en décembre. Et c'est une forme de réunion de crise. Hein, c'est très, très grave ce qui se passe pour eux. C'est-à-dire qu'on est en train de leur dire le produit que vous vendez à des gens leur donne le cancer. Ils ont convié là quelqu'un qui s'appelle John Hill, qui est un grand communicant américain, dont l'entreprise existe toujours aujourd'hui, hein, Hill & Dalton, c'est une entreprise de relations publiques qui a toujours pignon sur rue. Et ils vont comme ça phosphorer pendant quelques heures, et il va en ressortir un mémo que John Hill va passer quelques jours à rédiger, mémo dont on a la copie grâce aux archives du tabac, aux archives, aux, ce qu'on appelle les tobacco documents. C'est un ensemble de 80 millions de documents qui a été rendu public à la fin des années 90 sur décision de la justice fédérale américaine. Donc on a ce mémo qui fait une demi-douzaine de pages et qui pose comme ça un programme d'action. Et ce programme, à mon sens, ouvre quasiment un nouveau chapitre de l'histoire des sciences, puisqu'on a là des gens qui disposent d'une puissance économique considérable et qui se mettent autour de la table et qui disent « Voilà, on va suivre ce que nous recommande John Hill. On va pas argumenter contre la science. On va pas aller chercher noise à la science elle-même parce que, malheureusement ou heureusement, les gens ont confiance dans la science. On va plutôt récupérer la science à notre profit, on va la mettre à notre main, et d'une certaine manière, alors c'est pas écrit comme ça, bien entendu, mais c'est ce qui transparaît tout à fait dans le mémo de John Hill, on va réutiliser les instruments et les valeurs de la science contre elle. Et c'est ça le début de cette aventure de production industrielle d'ignorance, c'est ça qui commence véritablement en 1953 à New York, à l'Hôtel Plaza, avec ces grands capitaines de l'industrie cigarière américaine. Le 22 décembre 1953, ébauche de recommandation à l'attention des manufacturiers de cigarettes. Petit 1. Nous proposons de nommer notre comité « Comité d'information et de recherche sur la cigarette ». Le terme « recherche » est important afin de donner du poids et du crédit au susdit comité. Petit 4. Publier au plus vite dans la presse que l'industrie du tabac est en première ligne sur les questions santé et tabac. Petit 6. Tâchez de montrer de manière statistique que fumer et contracter un cancer est variable selon la géographie, en ville ou à la campagne, si on est un homme ou une femme, selon son âge, etc. Petit 8. Fournir les bonnes informations sur la question santé et tabac à la presse, la télévision, la radio, les magazines. Petit 11. Préparez au plus vite un livre blanc qui rassemble les opinions des autorités scientifiques sur la question tabac et cancer du poumon. Alors, ce qui est très intéressant, et ce qui est à mon avis la manifestation d'un véritable génie des relations publiques de la part de ces gens, c'est précisément de ne pas avoir fait de la contre-science ou une alter-science ou une science qui serait forcément de mauvaise qualité ou malhonnête, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça et fréquemment, on caricature la science qui a été produite sur les fonds du tabac comme étant de la mauvaise science, de la science malhonnête, de la triche, etc. Et la réalité, c'est que bien souvent, c'était de l'excellente science qui était ainsi financée par l'industrie du tabac. L'industrie du tabac a très vite compris que lorsque les chercheurs ne font pas de la recherche, ils cherchent l'argent qui va leur permettre de conduire leur recherche. En fait, l'argent est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de la science. Et ce qu'ils ont compris, c'est que en ayant table ouverte, finalement, hein, en accueillant les scientifiques pour leur financer leurs projets, ils avaient un levier d'action sur la science elle-même. Il faut avoir à l'esprit, et c'est un chiffre qui est donné par Robert Proctor dans son livre Golden Holocaust, une demi-douzaine de prix Nobel de physiologie et de médecine ont eu leurs travaux initiés par l'industrie du tabac. Donc ce sont des gens qui sont extraordinairement brillants dans leur discipline et qui ont contribué, d'une certaine manière, à produire de la connaissance. Toute la question, enfin en tout cas une partie de la question, une grande partie de la question, réside dans la manière dont cette connaissance nouvelle va être utilisée presque politiquement. Et très souvent, elle est utilisée pour dissoudre la perception du risque. Quelque chose qui, en fait, nous, on a beaucoup de mal à se figurer l'éventail de la multiplicité des causes possibles aux maladies. Et puis, bon, la dernière information qui vous parvient sur les causes du cancer du poumon qui, en réalité, serait causée par la pollution atmosphérique ou le radon qui transpire des sols dans certaines régions ou des prédispositions génétiques, eh bien, tout ça va, pour le grand public, mais aussi pour les responsables politiques et les régulateurs, va obscurcir un petit peu la réalité du risque qui est pris par le fumeur quand il consomme sa cigarette. Donc, une grande part de la science qui va être produite par les cigarettiers va en réalité être une science de grande qualité. Et à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui doit être noté. C'est vraiment l'élégance de la manip. Voilà. De 1957 à 1969, l'industrie du tabac envoie gratuitement et 4 fois par an une lettre d'information destinée aux médecins, aux scientifiques, aux rédacteurs en chef et éditeurs d'un bout à l'autre des États-Unis. Petit florilège des titres des articles. 28 raisons de douter du lien cigarette-cancer. Personne n'en connaît encore les réponses. Une infection fongique rare imite le cancer du poumon. Naissance en mars, lien avec le cancer du poumon. Infection virale responsable de la poussée de bronchite. L'effet de la nicotine comparable à celui de l'exercice physique. Le cancer du poumon est rare chez les hommes atteints de calvitie. C'est une entreprise. C'est une entreprise délibérée, consciente, construite. Jacques Trainer. Et qui a fonctionné de façon remarquable, quoi. Sur le tabac et le cancer, c'est extraordinaire. Et c'est très astucieux, c'est-à-dire c'est beaucoup plus astucieux que les think tanks qui font du créationnisme ou qui écrivent sur le créationnisme, etc. Parce que eux rejettent, en quelque sorte, la science. Ils disent, voilà, bon, ben, c'est, non, c'est pas vrai et tout. Bon. Leur logique, ça a été de dire, les scientifiques ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Le problème du tabac et du cancer est un vrai problème, mais on n'est pas sûr. Et donc, tant qu'on n'est pas sûr, eh bien, il faut continuer à faire de la recherche, comme c'était des gens qui étaient haut placés dans la hiérarchie universitaire ou fédérale de la science, enfin, l'Organisation de la Science des États-Unis. Donc, ils étaient capables de trouver des fonds et de convaincre les industriels de financer par des fondations, etc., de la recherche. On dissout un des problèmes, celui du tabac, dans une foultitude d'autres études qui sont importantes. Et donc, celui-là, c'est une façon de le relativiser. Fabriquer de l'ignorance, c'est un budget. En 1981, par exemple, l'Association américaine du poumon et la Société américaine du cancer dépense à L2 la somme de $300,000 en recherche, pendant que la même année, les industriels du tabac, via leur comité tabac, dispensent $6,3 millions à plus de 640 chercheurs. Jusqu'en 1998, date de son sabordage, le comité tabac aura injecté plus de $500 millions dans la fabrication du doute. Le fait qu'il y ait eu quand même quelque chose de l'ordre Mathias Girel. D'une conspiration, et je pense que c'est un des rares cas dans l'histoire des sciences où on peut utiliser le terme, c'est quelque chose qui est apparu au moment des grands procès fédéraux contre l'industrie du tabac dans les années 80, où cette industrie a été accusée d'avoir sciemment cherché à cacher ou à minorer les risques de son produit, ce qui, dans ce cas-là, implique une responsabilité, parce que vous avez fait courir un risque supplémentaire à des gens qui auraient pu s'en passer. Enfin, ça fait des centaines, voire des millions de morts, hein, la différence. Et à partir de ce moment-là, ces industriels ont pensé pouvoir prendre de vitesse les juges fédéraux en leur envoyant des camions et des camions d'archives, camions remplis à ras-bord et en les déversant comme ça, en se disant que le temps que la justice traite ces archives internes, eh bien, une dizaine d'années ou plus allait se passer, et c'était sans compter, sans les juges eux-mêmes, sans les archivistes travaillant pour la justice fédérale, et puis sans quelques, disons, historiens ou médecins, enfin, disons, spécialistes de la question, qui très vite ont trouvé des mémos accablants là-dedans. Alors, bon, il y a un mémo qu'on trouve dans quasiment tout article sur l'industrie du tabac, c'est celui d'un communicant en 68-69, c'est dans le fond Brown et Williamson, et où ça commence par « le doute, c'est notre produit », et où le communicant explique l'intérêt de maintenir une controverse dans l'esprit du public pour continuer à pouvoir écouler le produit, et puis surtout, même si c'est pas dit comme ça dans le texte, pour essayer de retarder le plus possible des politiques publiques de réglementation ou d'interdiction, même carrément. doubt is our product, since it's le doute est notre produit, car c'est le meilleur moyen de rivaliser avec l'ensemble des faits et d'informations qui occupent l'esprit du grand public. C'est aussi le moyen d'établir qu'il existe une controverse. Si nous réussissons à établir une controverse au niveau de l'opinion, alors il y aura une opportunité de mettre en avant les faits réels sur le tabagisme et la santé. Extrait des Tobacco Documents, Brown et Williamson, 1969, Cote RGY 93 F00. Le fait de parler de fausses controverses était très intéressant et m'a fait tilt tout de suite parce que si vous avez une conception qu'il n'y a pas, si vous voulez, dans les sciences, les sciences ne développent pas un rapport particulier à la vérité, les sciences naturelles, je veux dire, ne développent pas un rapport particulier à la vérité qui, pour moi, est lié à l'existence d'un monde objectif en quelque sorte qui est là indépendamment de nous et dont on essaye de chercher comment il fonctionne. Si tout est socialement construit, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de fausse controverse. Il n'y a que des controverses. Si vous dites fausse controverse, ça veut dire que il y a quelque part des vérités scientifiques entre guillemets qui ne sont évidemment pas absolues, etc. Bon, là-dessus on est d'accord. Mais qu'il y a quand même des choses qui se stabilisent, des connaissances qui se stabilisent. Et elle se stabilise parce qu'elle représente à un moment donné ce qu'on fait de mieux sur l'explication du monde ou d'un petit bout du monde. Du coup, ça m'a intéressé et je lui ai tout de suite proposé de traduire ce livre s'il y avait un projet de traduction. Alors, elle n'en avait pas à l'époque. Et alors là, j'ai foncé en leur disant, c'est pas possible, ça, c'est moi qui le traduis, c'est obligé. Mais alors, Jacques Trainer, pourquoi c'est si urgent pour vous de vous emparer de ce livre, de le traduire, de le faire connaître? Pourquoi il vous paraît aussi indispensable à ce moment-là de votre vie, mais aussi, surtout, à ce moment-là, de l'état des choses et des connaissances? Chaque chapitre aborde un sujet différent. Donc, il y a le tabac, il y a le tabagisme passif, il y a les pluies acides liées aux émissions de soufre par les centrales à charbon, il y a le climato-scepticisme, il y a le DDT, etc. Il y a toute une série de sujets. Et dans les think tanks, on retrouvait, évidemment, les industriels des domaines en question, pour lesquels toute régulation est une menace au bon fonctionnement de leur entreprise. Mais il y avait aussi des physiciens, toujours les mêmes, quatre, et ça m'embêtait un peu ça, qu'il y ait des physiciens, et des physiciens de première grandeur. Donc des gens qui ont fait des choses bien, qui étaient des bons physiciens, dans les années 50 en général, et qui se retrouvaient dans ces affaires-là à raconter des trucs... Mais vraiment des grosses bêtises, quoi. Des trucs un peu comme Allègre a fait chez nous à une époque. Donc des grosses bêtises sur des sujets dont ils ignoraient tout, c'est-à-dire que ce soit de la climato alors qu'ils n'étaient pas climatologues, ou des problèmes de santé alors qu'ils n'étaient pas médecins, pour le tabagisme et le cancer. Et on les retrouvait à chaque fois sur les dossiers, c'était les mêmes. Et donc, en tant que physicien, ça me plaisait pas ça, quoi. J'étais pas content. Donc, je me suis dit que c'était une façon de. Enfin, il fallait aussi raconter cette histoire-là, quoi, parce qu'elle est passionnante, parce que elle remonte loin, parce que ce sont des gens dont certains ont été qui sont arrivés aux États-Unis en tant qu'immigrés, qui ont pu se développer, devenir ce qu'ils étaient, etc. Mais alors qui, sur le plan politique, ce sont des réactionnaires comme on n'en fait pas ici, quoi. C'est vraiment des ultra-réactionnaires et pour lesquels, là aussi, il y a un point de rencontre avec ces industriels, c'est-à-dire tout ce qui pointe sur une des déficiences du marché est inacceptable. C'est du rouge déguisé, quoi. Donc quand il parlait du mouvement environnementaliste, comme on dit en franglais, il disait que ces gens-là étaient comme des pastèques, c'est-à-dire verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Au fond, c'est à la fois la faiblesse des savoirs environnementaux. On pourrait dire que c'est un savoir faible, c'est pas un savoir fort. La physique est un savoir fort. Si vous êtes en 1970, il n'y a pas de doute que la physique des hautes énergies, c'est le savoir. Dominique c'est, Pestre. C'est l'emblème, c'est un savoir fort, puissant socialement, articulé épistémologiquement, qui est encerclé de toute une série de bastions que fournissent les philosophes, pour dire ça, c'est vraiment le cœur, quoi. Bon. Les savoirs environnementaux, eux, vont se retrouver faibles. Et ils sont toujours en position de faiblesse. La question environnementale, c'est tout. C'est le climat, c'est la pollution locale, c'est le ruissellement des eaux, Et il faut à chaque fois des tas de spécialités différentes. Il faut regarder les choses à l'échelle la plus micro-locale jusqu'à à l'échelle de la planète. Il faut tenir tout ça. Vous pouvez utiliser des satellites, vous pouvez... Bon, donc au total, c'est une mobilisation de savoirs extrêmement hétérogènes et qui, en même temps, sont à la merci de tous les groupes de pression importants autour parce que c'est menaçant des intérêts de la technostructure. Quand vous prenez tous ceux qui ont été critiques, à la fois du tabac d'abord, qui ont contribué à la fabrication de l'ignorance, si on peut dire, comme par hasard, on trouve une kyrielle, toujours la même, aux États-Unis, de grands physiciens, des prix Nobel, etc. Il y en a un paquet comme ça. Alors on va se dire, ils appartiennent au monde scientifique, vous êtes bien d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Demandons-nous qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Ce sont des conservateurs, ce sont des gens qui, au fond, sont peut-être extrêmement agacés par tous ces gens qui prétendent qu'ils ont des savoirs, etc. Ils sont très très convaincus de la supériorité de leur manière de faire. Ils sont politiquement contre toute une série de choses, et systématiquement, ils vont servir de caution. Et je pense qu'à la fois, ils savent un peu qu'ils servent de caution, mais ils savent qu'ils ont raison. Ils croient qu'ils ont raison. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Ils ne sont pas cyniques, ils ne mentent pas. Et ça repose sur une technophilie extrêmement forte qui dit que peut-être que la science crée des problèmes, mais c'est pas grave parce qu'à l'étape suivante, elle corrigera ces problèmes. D'abord, vous savez, c'est ça la vertu de la science, elle se corrige en permanence, donc c'est formidable, quoi. Elle a toujours eu raison et elle aura toujours raison demain parce qu'aujourd'hui, elle sait. Mais demain, elle dira « oui, mais on ne savait pas, mais maintenant on sait ». Donc, est-ce que ça pourrait être une politique de l'ignorance? Comment concevoir une politique qui serait une politique des sciences, qui mettrait en son cœur la question de l'ignorance? À ce moment-là, ça demanderait de se détacher de toute une série d'a priori spontanés et de la manière dont les mondes techno-industriels fonctionnent, puisque pour eux, l'innovation est, par définition, le cœur du business, dans tous les sens du terme business. Les députés et les sénateurs vont un peu au-delà des souhaits de Claude Évin. Hier soir, à l'Assemblée nationale, ils ont adopté le projet de loi relatif à la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme dans une version mise au point par la commission paritaire entre les deux chambres du Parlement. 321 voix pour, 234 contre. Les socialistes, les centristes et quelques députés RPR ont émis un vote favorable. La publicité pour l'alcool sera sévèrement réglementée. Pour le tabac, elle sera interdite. Le prix du tabac ne sera plus pris en compte dans le calcul de l'indice des prix à partir du 1er janvier 1992. La consommation excessive d'alcool et de tabac est responsable de 110 000 morts chaque année en France. À partir des années 70, début des années 80, enfin, le risque qui était vraiment déjà admis et le danger de tous ne devient plus niable publiquement. Et donc, il y a toute une sorte de deuxième front qui s'ouvre autour des valeurs. Il y a un risque à fumer, mais alors au nom de quoi l'État voudrait-il me priver de ce plaisir et m'empêcher de m'exposer à ce risque? Et là, il y a une tentative de capture et une capture des sciences humaines, de l'histoire, histoire de l'hygiénisme, histoire de ce genre de choses. Donc les fronts se multiplient à partir de ce moment-là, et plus encore avec les controverses sur le tabagisme passif, où là ça devient une question au nom de quoi on va réglementer sur l'espace public. Alors, ce qui s'est passé dans les années 80, dans la foulée des premières grandes études épidémiologiques sur les effets du tabagisme passif, Stéphane Foucault, qui date à peu près du milieu des années 80, hein, bien évidemment, c'est la chute de l'Union soviétique. Alors, après, on se dit, il n'y a aucun rapport entre la chute de l'Union soviétique, la production d'ignorance, la science, etc. Et en réalité, il y a des travaux d'historiens des sciences, en particulier Naomi Oreskes et Eric Conway, qui ont montré que c'est précisément à partir de cette période, la fin des années 80, que un front plus large rejoint les cigarettiers pour faire pièce aux sciences de l'environnement. Et il faut savoir quelque chose, enfin, c'est un détail, hein, mais qui a son importance, c'est que aux États-Unis, les questions de tabagisme passif étaient évaluées par une agence fédérale qui s'appelle l'Agence de protection de l'environnement, hein, l'EPA, qui aujourd'hui est en voie de quasi-démantèlement par l'administration Trump, et que c'est donc l'EPA qui était chargée d'évaluer les risques inhérents au tabagisme passif. Et par ailleurs, l'EPA évaluait de manière générale tous les risques environnementaux, c'est-à-dire liés aux pesticides, liés à la chimie de synthèse sous toutes ses formes, etc., etc. Et ce qui s'est passé dans les années 1980, c'est que Philip Morris a rassemblé, Philip Morris et quelques autres, hein, ont rassemblé les cigarettiers, en tout cas ont rassemblé autour d'eux une coalition C'est très clair dans les documents du tabac, c'est quelque chose qui est dit explicitement par les responsables, les communicants de Philip Morris. Donc ils ont rassemblé une coalition d'industriels autour d'eux afin d'attaquer systématiquement les résultats d'expertise de l'EPA, de manière à décrédibiliser l'ensemble des décisions qu'elle pouvait prendre et qui pouvaient aboutir à des régulations. Et donc là, il y a une sorte à la fois de massification de l'attaque de la science et de la science environnementale en particulier, et une ouverture de ce front bien au-delà de la science à effectivement essayer de porter un discours politique et idéologique sous le thème « ces gens-là vont finir par essayer de contrôler nos vies en essayant de contrôler les risques faibles ». Parce qu'il faut rappeler aussi que le tabagisme ou les pesticides, ça rentre dans dans la catégorie, disons, des risques faibles. C'est-à-dire, ce sont des risques qui augmentent bien évidemment la probabilité de contracter telle ou telle maladie très désagréable, mais c'est une augmentation qui est relativement faible par rapport à celle, par exemple, de consommation du tabac, hein, risque faible mais dispersé sur une grande population. Je connais des gens qui sont très exigeants et qui dépensent beaucoup d'argent pour les cigarettes des pays égyptiens, anglais, belges ou américains. Pour mon estomac, je ne prends que du tabac de la régie française ou de l'État. Week-end, week-end. Quel parfum et quel doux nom charmant. Week-end, week-end. On peut les fumer béatement. Week-end, week-end. Pour l'esprit, c'est un délassement. J'adore leur forme fine, fine, sur fine, divine. Et je ne fume, ça se devine, que les week-ends au nom charmant. Pascal Dithelme, j'avais envie de vous rencontrer parce que vous êtes finalement l'homme qui a vu l'ours, et pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est rare. Et l'ours en question, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans l'ombre, qui était secret, qui était actif, qui était rusé, et dont on peut dire le nom. C'était le professeur Rylander, Ragnar Rylander, un professeur suédois, qui travaillait à l'Université de Genève, où il était professeur de médecine environnementale. Bon, ça c'est l'ours, et vous êtes un peu le chasseur, mais peut-être racontez-nous comment la rencontre a eu lieu, comment vous êtes tombé sur cette affaire Rylander, ce qui deviendra l'affaire Rylander dans votre vie. Oui, alors c'est en fait, je m'intéressais à la question de tabagisme passif. Je travaillais à l'OMS et j'étais en contact avec le département qui faisait la lutte contre le tabagisme, ce qu'on appelait le monde pour un monde sans tabac. Et on tombait sur des études où le nom de ce professeur, Ragnar Rylander, était associé à des travaux qui tendaient à montrer que finalement le tabagisme passif n'était pas si dangereux que ça, qu'il y avait beaucoup de doutes à ce sujet, et même il était allé jusqu'à dire qu'une mère qui a un enfant en bas âge qui a des bronchites chroniques, et même si elle fume en sa présence, elle ne devrait pas s'inquiéter, elle devrait plutôt s'occuper de changer son alimentation. Et ça, c'était vraiment à contre-courant, c'était très intriguant. Et un jour, il y avait le site de recherche sur les documents de Philip Morris qui venait d'être mis à disposition à la suite de décisions de la justice américaine. Mais par simple curiosité, sans m'attendre à rien du tout, j'ai tapé le nom Rylander dans le moteur de recherche. Et là, il y a eu tout d'un coup un éclair. Le moteur a retourné 16 000 documents. 16 000 documents, c'est-à-dire que c'était plus que le PDG de la société. Et donc, c'était clairement un élément clé d'un dispositif. 16 000 documents qui étaient des notes internes, des lettres, des mémos, des rapports confidentiels. C'était tout un monde qui était totalement inconnu jusque-là. Une chose extrêmement surprenante, c'était les conditions dans lesquelles ce monsieur avait été engagé par Philip Morris, qui était d'abord une opération de séduction très bien montée, avec une conférence aux Bermudes où il a été traité en grand prince, dans des grands hôtels et tout. Et ça, il est tombé, il a été séduit. En plus, on lui a confié une mission importante, c'était d'être l'intermédiaire entre un laboratoire que Philip Morris avait acquis secrètement en Allemagne, à Cologne, et dont les travaux devaient être transmis aux États-Unis, à Philip Morris, à Richmond, aux États-Unis. Mais Philip Morris, et on a les documents, ne voulait pas avoir de traces écrites qui montraient qu'il pouvait avoir un lien entre ce laboratoire et Philip Morris. Et donc, ils ont choisi Rhinelander, qui lui recevait tous les rapports de ce laboratoire et qui les transmettait personnellement et secrètement à un responsable de Philip Morris, Richmond. Et ça, c'était son rôle principal. Mais alors, ce laboratoire, il venait d'où? Il avait quel but? Il avait quelle fonction? Alors, ce laboratoire, c'est que Philip Morris savait très bien que les travaux scientifiques allaient révéler que le tabagisme passif est nocif. Et leur but, c'était de financer des travaux dans le but autant que possible d'effacer ou de contredire ou de créer le doute, de créer un nuage de fumée autour de ces travaux. Mais pour savoir quels travaux financer, ils faisaient tous les travaux avant eux-mêmes. Avant de dire, on va financer tel travail, tel scientifique, et en évitant totalement tous les travaux dont ils savaient à l'avance que ça allait produire des résultats embarrassants. Et c'était vraiment le laboratoire qui connaissait le mieux au monde la toxicité du tabagisme passif. Et la personne la mieux informée au monde était, en fait, ce Ragnar Rhinelander. Donc c'est formidable, il fabriquait finalement une vérité scientifique pour pouvoir ensuite fabriquer une espèce d'antidote. Oui, alors ensuite, Rhinelander étant la personne la mieux informée sur la toxicité du tabagisme passif, il avait aussi pour mission de créer un écran de fumée scientifique autour de ce fait. Et pour ça, il est devenu le spécialiste de ce qu'on appelle les études confondantes. Alors, qu'est-ce que c'était des études confondantes? C'était des études qui consistaient à faire toutes sortes de travaux qui allaient mettre l'accent sur tous les facteurs qui étaient possibles comme facteurs explicatifs, sauf le tabagisme. Alors, parfois, c'était le fait de manger des haricots. Parfois, c'était les moisissures dans les appartements. Parfois, c'était le fait que les enfants allaient à la crèche. Tous ces autres éléments étaient ce qui pouvait expliquer qu'il y avait des maladies que d'autres attribuaient au tabagisme passif. Et il en a fait mais des centaines. Et il a inondé la littérature de ses travaux et il a créé le doute et c'était son rôle. Stéphane ? Oui, ça fait partie des raffinements de tout ce qu'ont fait les cigarettiers américains dans le domaine de la science et en particulier de... En effet, d'essayer de trouver des aspects positifs à la consommation de cigarettes. Alors, pour donner un exemple, hein, dans les années 80, 90, il y a eu constitution d'un groupe de chercheurs, de savants qui travaillaient sur la science du plaisir. La science du plaisir, c'est le plaisir de manger, le plaisir de bien vivre, un carré de chocolat, une cigarette. Et tout ça était un petit peu mélangé. Et on voit bien ce qu'il peut y avoir de trompeur à mélanger le carré de chocolat du soir à la cigarette du matin, puisque les deux sont un petit plaisir. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est extrêmement addictif, en tout cas beaucoup plus que l'autre, et qui a une chance sur deux de vous tuer quand vous le consommez normalement, entre guillemets, c'est-à-dire de manière continue. Mais comme ça, il y a eu un certain nombre de recherches, parfois sérieuses, qui ont été... Enfin, sérieuses. en tout cas fondée scientifiquement, par exemple, à mesurer le niveau de cortisol chez les fumeurs et à remarquer que, en effet, le niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, hein, baisse quand on consomme sa cigarette, ce qui veut dire qu'une fois que le niveau de cortisol a baissé, eh bien, le système immunitaire fonctionne mieux, la cognition fonctionne mieux aussi parce qu'on est, on est déstressé et donc tous les mécanismes d'inhibition du cortex préfrontal cessent, etc., etc. De gros comptes poumons. En cage thoracique, de gros comptes poumons, mous comme de la chic, ne vivent que d'air pur et de grosses enflures. Mais pour emmerder ces deux gros pédés, je les ai enfumés, ça les fait tousser. Pas question que j'arrête, mes bonnes cigarettes sont devenues tubards, les deux gros connards. Ma cage thoracique, c'est pas une clinique, je vais les foutre en l'air, y mettre un hamster et aussi une roue pour qu'ils fassent jojo. Alors je vous appelle docteur Martinet. Bah oui, si ça vous plaît, oui. Hein, docteur Martinet, pneumologue. Et ex-fumeur. Ex-fumeur, oui. Et pneumologue, c'est vrai. Vous avez été un observateur en tant que pneumologue d'une époque où de l'information scientifique a circulé concernant la dangerosité du tabac et en même temps de la contre-information ou du doute. Comment vous avez vu arriver ces informations concernant la dangerosité du tabac et puis les doutes qui étaient émis, comment vous avez vécu ça? Dans les années 75, on avait encore dans nos réunions de pneumologie, nos staffs de pneumologie, le chirurgien thoracique marquait le nom des patients qu'il voulait opérer sur son paquet de gitane. Et donc, on lui disait toujours, tu vas opérer celui-là, tu peux sortir ton paquet de gitane. Donc clairement, il y avait une grande insouciance des médecins et en particulier des pneumologues. Alors que les évidences scientifiques, on les a depuis les années 1950, c'est clair. On sait depuis 55, au plus tard, que fumer donne le cancer du poumon. Donc c'était quelque chose qui a été assez négligé par l'ensemble des médecins et les pneumologues. The doctors report. From coast to coast, doctors in every branch of medicine, general physicians, surgeons, throat specialists, thousands of doctors were asked this question. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Yes, according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Quand j'étais petit, bon, je suis pas très grand, mais quand j'étais jeune, disons, les pauvres, ils étaient maigres. Maintenant, les pauvres, ils sont gros. Et les pauvres, ils n'ont pas vu leur ADN changer en 50 ans ou 60 ans. Seulement, ils étaient maigres et maintenant, ils sont gros. Et ça, on peut me dire tout ce qu'on veut par rapport à la demande, qu'on est gros parce que dans l'enfance, on a eu ceci, ceci, cela. C'est pas vrai. Ça joue sûrement, mais c'est un détail par rapport à l'offre. C'est l'offre qui fait la consommation et c'est pas la demande. Et ça, c'est très très clair, c'est une stratégie par rapport à tous ces produits de consommation courante. Tabac, alcool, alimentation, on le voit. À partir de ce moment-là, la personne qui fume, qui boit, qui ne mange pas exactement ce qu'il faudrait manger, ben c'est de sa faute, alors qu'elle ne vienne pas nous embêter. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Et regardez l'argument des buralistes, c'est très clair. Mais nous, on répond à la demande. Alors, c'est réellement du foutage de gueule. Des cigarettes, je suis la marchande. J'en ai pour tous les goûts qui en demandent. En souriant, je viens offrir aux rêveurs un peu d'illusion et de bonheur. Oui, messieurs, je vends des cigarettes. Qui me les achète, ça coûte si peu. Elles sont douces, elles sont exquises, leur fumée vous grise. Messieurs, qui en veut? C'est une chose de dire qu'éventuellement le lien entre cette molécule-là et des effets bénéfiques, et c'en est une autre de dire que le produit complet, et y compris l'inhalation de produits de combustion, a des effets bénéfiques, ce qui là, pour le coup, est complètement fou. Et donc, en général, la discussion ne cesse de passer d'un front à l'autre. Mathias Girel. Et précisément, les cigarettiers, en finançant ce genre de travaux, enfin, ils en ont financé pas loin d'ici, bien sûr, l'association Plaisir, Nicotine, Mémoire, etc., ils cherchent à jouer sur cette confusion. Stéphane ? Le financement des études a eu un effet déterminant sur les conclusions de toutes ces enquêtes épidémiologiques. Ce qui conduit d'ailleurs aujourd'hui à avoir un élément d'information supplémentaire, c'est-à-dire qu'en créant de l'ignorance pendant un temps, malgré tout, on réussit à créer de la connaissance pour les périodes ultérieures. Tout ça a créé un formidable corpus qui est aujourd'hui utilisé par les historiens des sciences et les sociologues des sciences et qui montre qu'il existe quelque chose en science qu'on appelle le biais de financement et qui fait que quand vous êtes financé par quelqu'un qui a intérêt à obtenir tel résultat, eh bien vous allez produire ce résultat de manière plus probable, pas toujours, hein, mais plus probable que si vous n'aviez pas été financé par lui. Avec le tabac, une formidable boîte à outils à fabriquer de l'ignorance a été mise à jour, dans laquelle se sont servis bien des industriels depuis. Mais il est une forme de production d'ignorance moins cynique, moins visible, moins volontaire que celle des cigarettiers et qui pourtant fait des dégâts. Une monumentale erreur médicale dénoncée à la une du journal Le Monde. Pendant près de 20 ans, un médicament dangereux a été utilisé en France. Ce médicament s'appelle le Distilben. Il devait théoriquement faciliter les grossesses délicates. En fait, ce médicament était une sorte de poison. On sait maintenant de façon certaine que le Distilben peut provoquer et a provoqué des anomalies parfois très graves chez les enfants dont la mère avait subi ce traitement. Estelle Collat, vous êtes une fille d'Es. Comment ça vous tombe dessus et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'apprends ça en fait un peu par hasard. Vous apprenez quoi ? Le fait que je suis une fille d'Es. En fait, j'apprends pas tout de suite que je suis une fille d'Es. J'apprends d'abord que ma maman me dit à l'occasion d'une discussion où je lui explique que j'ai des difficultés à avoir un bébé. Elle me dit « Ah, tu sais, j'ai pris un médicament dans les années 60, au moment de ta naissance, enfin, au moment de, on va dire, de, où j'étais enceinte. Et du coup, ils en ont parlé à la télé à la fin des années 70, comme quoi ça pourrait avoir des implications sur la fertilité des enfants, que ça puisse être un sujet. » Donc, demande à ton gynécologue de t'en parler un peu plus, parce que je me souviens pas très très bien, mais il y a une histoire avec un cachet que j'ai pris pendant la grossesse. Alors Estelle, vous en êtes où dans votre vie à ce moment-là ? Vous avez fait quoi ? Alors, je suis mariée, j'ai arrêté la pilule que j'ai pris pendant plusieurs années, de façon totalement inutile, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Et donc, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté de prendre la pilule, que j'ai commencé à faire certains examens, qu'on me dit, bon, de toute façon vous êtes jeune, donc ça presse pas, soyez patiente. Voilà, on n'a pas fait d'examen approfondi à ce stade. Mais enfin, moi, je commence quand même à m'en inquiéter et puis ça m'attriste. Donc j'en parle, c'est comme ça que j'en parle à ma maman. Et que du coup, elle me dit « renseigne-toi ». Et donc là, j'en parle à mon gynécologue qui me dit « ah oui, d'accord, ça doit être le Distilben, mais en fait, c'est des fausses rumeurs, il n'y a aucun rapport, c'est un médicament qui est pour la prostate des hommes. Enfin, voilà, on en fait toute une histoire. Bon, vous y intéressez pas, on va faire d'autres examens. Et toujours pas d'informations à ce stade, digne de ce nom. 300 à 500 000 enfants français sont menacés en effet de graves anomalies du système génital. On les appelle les enfants du Distilben, du nom de cette hormone administrée à leur mère quand elle les portait. Cette hormone a été prescrite aux États-Unis de 1946 à 1970 pour consolider les grossesses qui risquaient de ne pas aller à terme. En 1970, un article dénonçant ce médicament paraissait dans l'American Journal et alertait le corps médical en principe du monde entier. L'année suivante, la prescription de Distilben était interdite aux femmes enceintes aux États-Unis. Mais en France, les traitements se poursuivaient. En 77, le dictionnaire des médicaments, le Vidal, signalait les risques et ne l'indiquait plus que pour soigner les cancers de la prostate. Le ministère de la Santé insiste bien sur ce point et pourtant cette information ne semble pas être connue de tous les médecins. Comment l'ignorance sur ses effets a-t-elle pu s'installer et persister sans motif apparent et pendant si longtemps ? Didier Torny et Emmanuel Filion ont reconsidéré en sociologue des sciences la séquence des 40 années de délivrance d'un médicament toxique qui n'enrichissait pourtant pas ceux qui le prescrivaient. Nous sommes rentrés en fait sur cette question du deal Steelben parce que nous avons répondu à un appel à projet d'un programme qui s'appelle le Programme National de Recherche sur les Perturbateurs Endocriniens, qui est mené par le ministère de l'Environnement, de l'Écologie, enfin vous savez, il change de nom tous les 6 mois. Et donc on leur a dit, voilà, il faut revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé sur le Distilbène, pour savoir quelles leçons on était tirées, puisque maintenant on a d'autres dossiers, à l'époque le BPA, différents dossiers, le bisphénol A, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce passé, à cette histoire qui n'avait pas du tout été décrite. La littérature scientifique est très peu lue par les médecins généralistes, par les médecins hospitaliers à cette époque. Bon, il faut voir, on est dans un monde pré-électronique, donc il n'y a que du papier, il faut qu'effectivement les revues arrivent quelque part, qu'elles soient lues et tout ça. Donc on a des mondes qui sont quand même relativement séparés, c'est le premier point. Et on a aussi des formes de régulation du médicament, des formes d'organisation professionnelle qui sont extrêmement nationales. Et donc le savoir qui a été produit à un endroit X, entre guillemets, n'a pas de raison particulière de s'appliquer à un endroit Y. Donc le fait que nous n'ayons pas de cas, évidemment on ne les a pas recherchés en même temps, mais l'idée c'était une maladie quand même extrêmement rare, visible, nécessitant évidemment hospitalisation, intervention et potentiellement mortelle. L'idée c'était, tant qu'il n'y a pas de cas, ça veut dire que ça n'arrive pas chez nous. Et donc ça c'est quelque chose qui va très souvent courir, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la figure biblique, c'est-à-dire il faut que je touche et que je vois la chose pour en être certain, puisqu'on nous raconte des histoires ailleurs, mais finalement, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il faut attendre vraiment 1982 et 1983 pour que le Distilben ait une forme d'existence publique. Et donc, on a le scandale Distilben qui apparaît avec un article à la Une du Monde et qui va, pendant quelques mois, agiter véritablement la sphère politico-administrative et médicale, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on a quelque chose qu'on va trouver tout au long des 40 ans, ou maintenant bientôt 50 ans de cette histoire, c'est d'un côté des acteurs qui disent « mais on sait déjà tout ça, il n'y a rien de neuf, c'est une histoire passée, tout le monde est au courant, etc. » Et de l'autre, toujours cet effet de surprise et de nécessité d'information et de mesures à mettre en place. Si on bascule un petit peu sur l'ignorance directement, c'est le premier point peut-être le plus caractéristique de ce dossier, c'est que l'idée d'informer la population de manière générale, les personnes directement concernées, n'est pas du tout présente, n'est pas vue comme un aspect positif d'émancipation des personnes, mais au contraire comme quelque chose de potentiellement négatif, l'affolement, la panique, les mauvaises mesures. On voit particulièrement dans cet épisode 82-83 où on va indiquer que mis à part quelques cas de cancer, ce n'est pas si grave que ça. Il faut simplement, consulter, être suivi. En fait, c'est 10 fois plus de fausses couches dans le deuxième trimestre. Évidemment, n'est pas la même chose qu'une fausse couche de premier trimestre. C'est 8 ou 9 fois plus de grossesses extra-utérines. Toutes les connaissances déjà accumulées, en fait, ne sont pas du tout transmises au public. Et donc, les pouvoirs publics, la profession médicale, va considérer que le seul référent, celui qui doit savoir, plus que celle qui doit savoir d'ailleurs, ce sont les médecins. Donc ça, c'est vraiment un point d'ignorance central, c'est-à-dire collectivement, nous ne savons rien du Distilben à partir des pouvoirs publics ou des médecins, jusqu'au début des années 2000, où en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le procès, les résultats des procès successifs qui font l'information du public et qui obligent notamment les journalistes de tout média, à chaque fois à dire, bon alors c'est quoi ce procès, et à refaire l'histoire du Distilben pour expliquer pourquoi ce procès est important, pourquoi ces femmes gagnent, de quoi parle-t-on, quel est le rôle du laboratoire pharmaceutique, et finalement de reconstituer quasiment à chaque point cette histoire, ce qui entraînera au fur et à mesure que de nouvelles femmes s'intéressent à cette question, que des mères parlent à leurs enfants de ce médicament, que des filles se demandent à partir de leur histoire médicale, gynécologique ou de reproduction, si finalement elles aussi ne sont pas des filles Distilben. Le jour où vraiment je comprends, c'est en regardant un reportage à la télévision sur le Distilben. Et là, je me dis, ah oui, c'est mon histoire. Et là, je décide de changer de gynécologue, sachant qu'entre-temps, j'ai fait aussi une vraie FIV, fécondation in vitro, qui a fini en fausse couche, classique, puisqu'il n'y a eu aucune précaution de prise. Aucune alerte pour dire attention, vous êtes très particulière, en tout cas votre fausse couche, votre grossesse est précieuse, donc il faut être alité, il faut se faire suivre de près. Donc j'ai fait une fausse couche. C'est après tout ça que j'ai décidé de changer de gynécologue et que là je suis tombée sur quelqu'un qui m'a été conseillé, qui connaissait le problème et qui m'a enfin dit on va s'occuper de vous et on va faire différemment. Quand on ne sait pas, on croit que c'est de notre faute. On se sent coupable, on se sent responsable. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans quelque chose de flou et on est juste dans le fait que finalement, à cause de moi, tout le monde souffre parce que nous, on souffre, notre mari souffre, les parents souffrent, les frères et sœurs souffrent, ils souffrent pour nous. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sentent bien qu'on est malheureux. Plus la machine à fabriquer de l'ignorance est raffinée, plus les agnotologues censés la débusquer doivent s'armer de patience, de ruse, car c'est connu, le diable de l'ignorance se cache toujours dans les détails des mensonges qui le servent. Pour nous, ce qui était important, c'était de constater par rapport à une longue histoire d'histoire des sciences, de sociologie des sciences, d'études des sciences, où on s'était concentré sur la production de connaissances, c'était de voir sur des dossiers de très longue durée, finalement, l'apprentissage n'était que de courte durée. Et il y avait des phénomènes d'oubli extrêmement importants, où la question de la surprise, qui est très liée à l'oubli, on est surpris par ce qui revient, parce qu'en fait, on l'a oublié. Et donc, ce qui est essentiel, c'était de penser les deux phénomènes en même temps. C'est-à-dire, c'était de penser la production de connaissances, mais également de l'oubli, de l'ignorance, de l'absence de partage. Et donc, l'idée, c'était de penser ensemble ces deux composantes et de tirer tout ce qu'on savait sur la production de connaissances vers cette logique de production d'ignorance, d'oubli, d'absence de partage pour étudier ces phénomènes de manière symétrique. Quand les industriels nous enfument, un documentaire de Franck Cuvelier avec la complicité scientifique de Mathias Girel, directeur des études du département philosophie, École normale supérieure de Paris. Avec Stéphane Foucard, journaliste scientifique, Jacques Trainer, physicien théoricien, chercheur associé à l'Université Paris Diderot, Dominique Pestre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Pascal Dithelme, cadre à l'Organisation mondiale de la santé, professeur Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme, Estelle Collat, fille d'Es, Emmanuel Filion, sociologue à l'École des hautes études en santé publique, Didier Torny, sociologue, directeur de recherche CNRS. Remerciements à Raphaël et Maxence, Musée du tabac à Paris, et à Emmanuel Deguineau, Comité national contre le tabagisme. Prise de son, Arthur Gerbeau, Sandrine Malon. Recherche INA, Linda Simon. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Réalisation, Rafik Zénine.